Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off, you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Né le 3 octobre 1930, Harry Callahan, qui est de nationalité américano-irlandaise, deviendra un soldat de la marine américaine et ira combattre durant la guerre de la Corée avant de devenir un agent de la police de la ville de San Francisco. Marié, Callahan sera alors connu comme un tireur d'élite habile et un puissant combattant au corps à corps et sera plusieurs fois vainqueur du championnat de pistolet du département de police de San Francisco. Suite au décès tragique de son épouse, tuée par un conducteur sous l'influence de l'alcool, le policier, dont le matricule est 2211, deviendra un être macho, violent, fasciste et même raciste, ce qui lui apportera une réputation d'être un fonctionnaire violent, froid et cynique, aux méthodes expéditives qui n'a comme objectif que de protéger la population et de faire respecter les droits des victimes contre ces criminels de la rue qu'il éliminera grâce à son revolver Magnum 44. Callahan mènera sa propre guerre au sein du système judiciaire américain qu'il juge imparfait et inefficace. Ce mépris envers la hiérarchie et, plus généralement, l'ordre établi est plus que conflictuel. Régulièrement, on le menace de le suspendre et même de le renvoyer. Tandis que Callahan a peu de respect pour la plupart des règles officielles de la police, les considérant comme de la bureaucratie inutile, il adhère tout de même à son propre code d'éthique. Il est incorruptible et se promet de protéger et venger les victimes des crimes violents. Quelle que soit la personne en face de lui, simple citoyen, collègue, supérieur ou criminel, Harry le Charognard, comme il est surnommé par ses coéquipiers, conserve toujours son franc-parler à la vulgarité si caractéristique. Pour ce personnage particulièrement avare de ses mots, le ton direct qu'il emploie lui permet de clore les conversations avant que celles-ci n'aient commencé. Mais il est dangereux de se trouver à ses côtés, ce qu'apprendra ses nombreux partenaires, ceux-ci finissant soit à l'hôpital ou à la mort. Personnage inspiré d'un véritable inspecteur de la police de San Francisco, qui fut à l'époque connu du grand public pour l'affaire dont il s'est occupé, soit celle du tueur du Zodiac, il est tout de même surprenant d'apprendre que Clint Eastwood fut le dernier acteur en ligne à qui l'on pensera

Chef, qui est chargé de cette enquête? L'inspecteur Callahan. Alors, faites paraître dans le Chronicle. Nous sommes d'accord pour payer, mais il faut du temps pour réunir cette somme. Vous traitez avec cet ignoble salopard? Ça donne du temps pour prendre certaines mesures. Et ça peut coûter la vie à quelqu'un. Laissez-moi m'occuper de cette ordure. Oh non, pas question de ça. Ça risque un peu trop de finir en massacre. Ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Je le descends avant, c'est ma politique. Je vous donne un nouvel adjoint. Voici Chico Gonzalez, il va travailler avec vous. Non, non, bonjour. Dites, c'est une plaisanterie. C'est pas du gâteau de travailler avec un gars dans mon genre. Ditsik est encore à l'hôpital avec une balle dans le ventre et Fanducci a été tué. Mais alors? Alors s'il faut à tout prix un adjoint, je m'en trouverai un qui sorte sans sa nourrice. Une petite question, inspecteur. Pourquoi vous appelle-t-on Harry le charognard? À cause d'un trait de caractère de notre ami. Il n'a pas de préférence. Il déteste tout le monde, les juifs, les métèques, les angliches, les irlandais, les négros, les chintocs, les japs. Faites votre choix. Et qu'est-ce qu'il pense des mexicains? Il va vous le dire. Les pires de tous les métèques. La patrouille volante a reçu un appel ce matin, un objet suspect, trouvé à Golden Gate Park, c'est adressé au maire. Le labo vient de nous l'envoyer, il y avait cette lettre à l'intérieur. Anne-Marie Dicon est enterrée vivante. La pauvre gamine était allée au cinéma, elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Oui, ces fauchetons de la police de San Francisco m'ont forcé à faire ça. Alors aujourd'hui, c'est 200 000 en billets usagés, de 10 et 20 dollars. Si vous me jouez un tour, vous m'obligez à la laisser mourir d'asphyxie. Signé Scorpion. Le dentiste l'a examinée. Il dit qu'elle a été arrachée avec des tenailles. Vous savez bien qu'elle est morte. On la trouvera en vie jusqu'à 3 heures. On doit aller lui porter le fric, vous vous en chargez? Oui. Un faux mouvement, n'importe quoi, je m'en fous. Je tue aussi la fille. On démarre. Oui, mais je vous connais pas, qui êtes-vous? Ta gueule, sorcière, tu fais ce que je vais te dire, sinon ta cervelle se répand sur le volant. Je sais à quoi tu penses, connard. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un Magnum 44, le calibre le plus puissant au monde, qui te videra la tête de toute ta cervelle. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance ou non? Dirty Harry, ou l'inspecteur Harry, est un drame policier qui a été produit et distribué par les studios Warner Brothers le 23 décembre 1971. Ce film américain d'une durée de 102 minutes a coûté 4 millions de dollars à produire et a amassé plus de 36 millions de dollars seulement sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Don Siegel, lui qui avait réalisé les films Escape from Alcatraz, Telephone et The Shootist. Ce sera également Don Siegel qui occupera le poste de producteur, lui qui avait produit les films The Black Windmill, Charlie Varick et The Killers. Et finalement, au poste de scénarisateur, on y retrouve les scénaristes américains Dean Reisner, lui qui avait travaillé sur les films Fatal Beauty et The Enforcer, Harry Julian Fink, lui qui avait travaillé sur les films Major Dundee et Eye Station Zebra, et finalement, Rita M. Fing, cette scénariste américaine qui, elle, avait travaillé sur les films Big Jake et Cahill U.A. Marshall. Dans la distribution, on y retrouve Clint Eastwood, Andy Robinson, Harry Guardino, Renny Santoni, John Vernon, John Larch, John Mitchum, Woodrow Parfrey, Joseph Sommer, Albert Popwell et William Patterson. Un inspecteur de la police de San Francisco, aux méthodes inorthodoxes, est aux prises avec un maniaque criminel qui menace de tuer une personne par jour jusqu'à ce qu'on lui ait versé une forte somme d'argent. Vers la fin des années 1960, le couple scénariste Arion Julian Fink et Rita Fink écriront un scénario intitulé « Dead Right ». Ce scénario mettra en vedette un policier de New York en fin de carrière et aux méthodes dures, qui est déterminé à arrêter un meurtrier en série, même s'il doit briser la loi pour le faire. L'histoire s'inspirera directement du fameux tueur du Zodiac qui avait sévi à San Francisco. Dans sa première version du scénario, l'histoire se terminait alors qu'un meurtrier du nom de Scorpion était abattu par un tireur d'élite de la police et non par Callahan, et dont l'action se situait à Seattle, dans l'État de Washington. 4 autres ébauches supplémentaires seront par la suite écrites, le scénario final étant acheté à cette époque par le producteur Jennings Lane, qui proposera alors le rôle de Callahan à l'acteur George C. Scott, qui le refusera à cause de l'aspect très violent de l'écriture. Après le refus de Scott, John Wayne sera alors approché, mais ce dernier refusera également de participer au projet en raison de l'aspect violent de l'histoire. Le scénario sera alors revendu au poste de télévision ABC, qui, elle, le revendra plus tard au studio Warner Brothers, les dirigeants du poste jugeant alors être incapables de diffuser le film sous sa forme littéraire actuelle. Le scénario sera alors remis à la compagnie Bristol Production, appartenant à l'acteur Frank Sinatra, qui se montrait alors très intéressé par le rôle. Les scénaristes John Milius et Terrence Malick retravailleront le script, mais cette version sera rejetée, étant plus tard utilisée pour servir de base au deuxième film de la franchise, soit Magnum Force. Malheureusement, Frank Sinatra, alors âgé de 55 ans, dut subir une intervention chirurgicale à la main et sera alors forcé de renoncer au projet qui devait être réalisé à ce moment par le metteur en scène Irvin Kershner, responsable plus tard de la réalisation de classiques tels que Eyes of Laura Mars et Star Wars The Empire Strikes Back. Revenant de nouveau entre les mains de la Warner Bros., le scénario sera alors proposé et rejeté par les acteurs Burt Lancaster, Robert Mitchum, Steve McQueen et Paul Newman, ce dernier refusant le projet mais en suggérant alors de le proposer à l'acteur Clint Eastwood, alors en pré-production de son tout premier film à titre de réalisateur, soit Play Misty for Me. Intrigué par le script, Eastwood acceptera à la condition de revenir à la première version de celui-ci et que le long métrage soit dirigé par le vétéran réalisateur Don Siegel, avec qui il avait déjà travaillé sur Coogan's Bluff en 1968 et Two Mules for Sister Sarah en 1970. Le 17 décembre 1970, Warner Brothers annoncera donc officiellement que Clint Eastwood produira le film à travers sa compagnie de production Malpasso et qu'il interprétera le rôle principal. Eastwood et Siegel embaucheront alors le scénariste Dean Reisner et les trois hommes plancheront environ 6 semaines sur la réécriture d'un nouveau script. Ils décideront finalement de situer l'action du drame policier à San Francisco, idée qui leur est venue en visionnant un match de football dans l'enceinte du Kezar Stadium, décor idéal pour une séquence spectaculaire. Puis, ils rajeuniront le personnage de Callahan et modifieront le cadre de l'affrontement final prévu à l'origine dans un aéroport où Scorpio devait détourner un avion, remplaçant cette dernière par la séquence de l'autobus scolaire, celle-ci devenant alors beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus efficace. Petit à petit, le scénario prendra forme, non pas sans difficulté, autour des différentes versions de Harry Julian Fink et de son épouse Rita Fink. Quelques répliques savoureuses de la version du scénario de Milius et Malick seront tout de même utilisées, tout comme l'aspect du Magnum 44, l'arme hors du commun, utilisée par l'inspecteur Harry Callahan. Arrivera alors le choix pour la distribution. Pour le rôle de Scorpio, on approchera tout d'abord James Caan, mais ce dernier ne pensait pas être un adversaire de taille pour Eastwood. C'est alors que le metteur en scène Don Siegel approchera l'acteur américain Audie Murphy pour incarner le personnage de Scorpio. Murphy avait une carrière de plus de 20 ans derrière lui et le metteur en scène était persuadé que l'acteur était le meilleur choix pour interpréter le personnage clé qui serait opposé à l'inspecteur Callahan. Malheureusement, Murphy mourra dans un accident d'avion en Virginie en 1971, peu avant son 46e anniversaire et avant que ne soient complétées les négociations pour sa participation au long métrage. De son côté, Eastwood avait remarqué le jeune acteur Andrew G. Robinson durant une pièce de théâtre intitulée « Subject to Fits » et le trouvait parfait pour le rôle, ce à quoi acquiesta Siegel. Mais Robinson était encore inconnu du grand écran. Et de plus, l'homme était un pacifiste et détestait les armes à feu. Ce sera même durant le tournage que Siegel se rendra compte de l'inconfort qu'avait Robinson envers les revolvers et dut arrêter la production afin d'envoyer le jeune acteur dans des cours de manipulation d'armes à feu. Malgré ces cours, un détail ne sera jamais réglé lors de la production, soit le fait que Robinson fermera les yeux à chaque fois qu'il tirera un coup de feu. De plus, l'acteur avait de la difficulté avec les gestes racistes et violents de son personnage. Pour la séquence finale, le réalisateur décidera d'utiliser le beau-fils de Robinson pour interpréter l'enfant pris en otage près d'un étang par Scorpio, ce qui rendit la scène encore plus difficile à réaliser pour le jeune acteur. Mais Robinson fut tout de même une découverte incroyable, sa prestation étant tout à fait sublime dans ce film. D'ailleurs, Robinson improvisera plusieurs one-liners qui demeurent encore mémorables aujourd'hui. Suite à la sortie du film en salle, Robinson recevra de multiples menaces de mort, forçant ce dernier à obtenir un numéro de téléphone confidentiel. Pour le tournage, Eastwood recrutera des habitués de ses productions précédentes, tels que Robert Daly, au poste de producteur exécutif. Pour la composition musicale, celle-ci sera confiée à Lalo Schifrin, alors que la direction photo sera remise au jeune chef opérateur Bruce Surtees, Eastwood et ce dernier collaborant régulièrement jusqu'à Pale Rider en 1988. Le tournage débutera à San Francisco en avril 1971. En dépit des difficultés logistiques liées aux extérieurs, le tournage se déroulera sans problème majeur et l'équipe sera constamment en avance sur le plan de travail. Même si le budget est plus important que lors de leur précédente production, Siegel et Eastwood ne changent rien à leur méthode, celle des artisans de la série B, soit efficacité maximale, qui est représentée ici par pas plus d'une ou deux prises par séquence, quoi qu'il arrive, et bien sûr, tourner tous les jours. À un certain moment durant le tournage, le réalisateur Don Siegel sera atteint d'une vilaine grippe, ce qui forcera alors Eastwood à le remplacer à la réalisation, notamment pour la scène dans laquelle Callahan empêche un homme de se suicider. Eastwood proposera alors d'en faire une séquence nocturne afin d'éviter les problèmes de circulation et annoncera au studio qu'il la tournerait en deux nuits au lieu des six jours prévus à l'origine. Reprenant ses méthodes de tournage déjà utilisées sur Play Misty for Me, Eastwood bouclera la séquence en une seule nuit. De plus, l'acteur principal réalisera lui-même la majorité de ses cascades, notamment celle où Callahan saute d'un pont sur le toit d'un autobus scolaire. Cela rehaussera le réalisme du film, qui sera l'une des raisons majeures de la popularité du long-métrage lors de sa sortie en salle. Une seule séquence ne sera finalement pas tournée à San Francisco, soit la scène du vol de banque, qui sera tournée sur le terrain d'Universal Studios à Los Angeles. Dans la scène finale, Callahan jette sa badge de policier à l'eau, une scène qui fut réalisée pour rendre hommage au sublime western de 1952, High Noon. Initialement, Eastwood était contre cette idée de jeter sa badge à l'eau, car cela voulait dire que le policier prenait sa retraite de la police. Mais Siegel cherchera à le convaincre en lui annonçant qu'en réalité, cette séquence représente le constat de l'échec d'un système qui est incapable de protéger les victimes et qui semble plus travailler à préserver les droits des criminels. Suite à une discussion avec Siegel, il fut décidé que Harry sortirait son étoile et la contemplerait avant de la ranger. Ce n'est que le jour du tournage qu'Eastwood se rendit compte que la séquence d'origine était sans doute la meilleure et il jettera alors son étoile à l'eau. Si Eastwood avait par la suite changé d'idée, cela aurait entraîné des problèmes de logistique puisqu'une seule étoile avait été prévue pour la production. Dirty Harry obtiendra sa première au Lowe's Market Street Cinema à San Francisco le 22 décembre 1971 et fut un énorme succès commercial. Cependant, l'accueil critique fut beaucoup plus partagé, certains se montrant assez dédaigneux, alors que d'autres le classeront parmi les 10 meilleurs films de l'année. De plus, il est important de préciser que Dirty Harry était sorti en salle seulement deux semaines après le film de Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, lui-même une analyse de la violence de la société actuelle des années 60 et 70. Dirty Harry terminera au sixième rang du classement général du box-office nord-américain de 1971 après Fiddler on the Roof, Billy Jack, The French Connection, Summer of 42 et Diamonds Are Forever. Durant la 44e remise des Oscars, des groupes de féministes allaient même protester contre le long métrage. Dirty Harry obtiendra tout de même une nomination comme film de l'année au prix Edgar Allan Poe de 1972. Sur une note négative, cependant, Dirty Harry se verra, malgré lui, inspirer plusieurs crimes similaires à ceux montrés dans le film, dont l'enlèvement d'un autobus scolaire rempli d'enfants en octobre 1972, un dossier connu sous le nom du Faraday School Kidnapping, où deux hommes armés, dont le nom de famille de l'un d'eux était Eastwood, enlevèrent un professeur et six étudiants et demanderont au gouvernement australien une forte rançon de plus d'un million de dollars. Au final, les enfants et le professeur réussiront à s'échapper et les deux hommes seront arrêtés. Une autre situation se produira en septembre 1981 en Allemagne, où un couple enterrera vivante une jeune fille de 10 ans, Ursula Herrmann, dans une boîte équipée d'un système de ventilation, de lumière ainsi que de toilettes, et demanderont une rançon. Malheureusement, la jeune fille allait décéder dans sa prison 48 heures après son enlèvement et le couple sera arrêté 27 ans plus tard en rapport avec ce crime. Ce cas sera couvert par un film réalisé pour la télévision allemande. Au début des années 1980, l'écrivain Dane Hartman a écrit un total de 12 romans complétant les aventures de l'inspecteur Harry. Bien que ne disposant pas d'une chronologie officielle, il est généralement admis que les intrigues de ces romans se situent entre le troisième et quatrième film de la franchise, soit The Enforcer et Sudden Impact. Deux des trois scénaristes du premier volet de la franchise nous ont malheureusement quittés. En effet, Dean Reisner décédera de causes naturelles à Encino en Californie à l'âge de 83 ans, alors que Harry Julian Fink, lui, décédera à l'âge de 78 ans, le 8 août 2001, à La Jolla en Californie. Du côté des comédiens, l'acteur canadien John Vernon, qui interpréta le maire de San Francisco ici, perdra la vie suite à des complications suite à une opération à cœur ouvert le 1er février 2005 à Westwood, à Los Angeles. Il était âgé de 72 ans. Reynaldo Santoni, qui jouait le rôle du partenaire de Harry Callahan, Chico Gonzalez, décédera le 1er août 2020 dans un hospice de Los Angeles à l'âge de 82 ans. Ce dernier avait eu plusieurs problèmes de santé importants durant les dernières années de sa vie, incluant un cancer. Finalement, le réalisateur Don Siegel perdra la vie suite à un cancer le 20 avril 1991 à Nippono, en Californie, à l'âge de 78 ans. Dirty Harry est devenu avec le temps une véritable source d'inspiration pour le domaine du film policier et d'action. Il inspirera également plusieurs acteurs à suivre les pas de Clint Eastwood, dont John Wayne, qui jouera dans des films tels que McHugh en 1974 et Brannigan en 1975, et qui regrettera plus tard de ne pas avoir pris le rôle de Callahan lorsque ce dernier lui fut offert. Même la télévision se verra directement inspirée par Dirty Harry, notamment les séries Streets of San Francisco en 1972 avec Michael Douglas et Carl Malden, Thomas en 1973, mettant en vedette Tony Mosante et Suzanne Strasberg, ainsi que Beretta en 1975 avec Robert Clark et Ron Thompson. Ironiquement, chacune de ces séries furent produites par la chaîne ABC, le même poste qui avait rejeté le projet à la fin des années 60. Quant au revolver 44 Magnum, ce modèle verra ses ventes monter drastiquement aux États-Unis suite à la sortie du long-métrage. Du côté des points forts, eh bien, bien que Eastwood cherche ici à se défaire de son image de cow-boy des années 60, il est amusant de remarquer que Dirty Harry est un véritable western moderne où le héros est seul face à la criminalité et à l'imbécilité d'un système de justice qui semble être incapable de protéger les innocents. Du côté des comédiens, Eastwood se fait carrément voler la vedette par le jeune Andrew Robinson, qui est ici tout simplement exceptionnel dans son rôle du vilain. La direction photo et le visuel de Dirty Harry est sublime ici, le réalisateur faisant une excellente utilisation de la ville de San Francisco. De plus, la mise en scène adroite du réalisateur et son sens précis du découpage, aidé d'un montage simple mais efficace, sait nous montrer avec justesse le travail policier dont il dramatise habilement les tensions et les problèmes. Le film est d'autant plus dérangeant que par ses séquences de violence d'un réalisme parfait, rajoutant une certaine touche de malaise pour le spectateur. Le film bénéficie également d'une intrigue policière hors de l'ordinaire, quelque chose que l'on ne verra pas souvent dans ce style de long-métrage. Mais du côté des points faibles, eh bien que cette intrigue soit bien ficelée, celle-ci nous apporte certaines longueurs. Il ne s'agit pas ici d'un film d'action à la Lethal Weapon, mais bien d'un bon film policier qui se laisse suivre par son histoire et non pas par ses scènes d'action. Le héros ici est véritablement caricatural et apparaît plus grand que nature et plus symbolique que vraiment animé d'une vie propre. De plus, le sujet adulte du film pourrait fortement choquer certains spectateurs, tant au niveau du visuel que du contenu raciste et violent de l'histoire. Finalement, Clint Eastwood interprète un personnage impliqué régulièrement dans des scènes athlétiques, mais ce dernier démontre beaucoup de maladresse dans ses actions, semblant incapable de rendre réalistes ses dites séquences. On est loin d'un John McClane ou d'un Martin Riggs ici, mais plus proche d'un policier sur le bord de la retraite qui a de la difficulté à bouger et qui doit tout de même courir après un criminel. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américano-argentin Lalo Schifrin qui s'est occupé de la trame sonore, lui qui travaillera sur les trames sonores des films Enter the Dragon et la version de 1979 de The Amityville Horror. La trame sonore de Schifrin peut se retrouver en cassette et en vinyle. Ça, c'était sorti au début des années 70, mais vous pouvez également l'avoir en CD, un CD qui est sorti sur le marché le 8 juin 2004 sous l'étiquette LF Record Incorporated. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Today, we're interviewing a stomach. Hello there. What is life like as a stomach? Oh, boy, it was humdrum. I mean, until what's-his-name discovered Tony's Pizza. Tony's Pizza? Yeah, I was suffering from the pizza cravings until Tony's came along. Crispy crust and zesty sauces. Wow. And so now... What's that? Another pizza craving. Just thinking about Tony's sets it off. Oh, where are you going? He's going to get a Tony's Pizza. And I follow him anyway. Does your stomach send you pizza craving signals? Oh, wow. Tony's, the pizza craver's pizza. Available at the concession stand. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Eastwood, le célèbre inspecteur Harry, revient en pleine forme dans Magnum Force. Jimmy Riley, puissant racketeur. Lou Gussman, le roi de la drogue. Gigi Wilson, le souteneur bien connu. Il y a des tueurs déchaînés, habillés en policiers, qui utilisent toujours un magnum. Vous et votre second revenez à la criminelle. Un tantinet dramatique, hein, Briggs. Ce n'est guère votre genre. C'est intentionnel, Callahan. Il se peut que cette affaire soit plus importante qu'on ne croyait. Vol de voiture, trafic de drogue, prostitution. Ce qu'on fait mieux dans le genre. Vous travaillerez avec le lieutenant Briggs sur cette affaire-là. Seulement, je vous préviens que si vous faites encore une de vos conneries, je vous sac sans hésiter. À propos, Briggs, dites-moi, qu'avez-vous trouvé jusqu'à présent? Dans mon service, personne ne reste à se les rouler. On l'appelle ce salopard d'Harry et il aime toujours agir à son idée. Quand il y a un coup dur, il n'est jamais très loin. Laisse-le ! T'as entendu ce que je t'ai dit ? En 24 heures, il s'oppose à un détournement d'avion. Il stoppe un hold-up et il se montre galant voisin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le flic qui habite au-dessus ? Tout juste. Je peux vous poser une question ? Essayez toujours. Comment s'y prend-on pour faire l'amour avec vous ? Essayez de sonner à ma porte. Les tueurs habillés en flics veulent éliminer Harry parce qu'il en sait trop. Chaque fois qu'il y a du vilain, on fait appel à ce salaud d'Harry, parce qu'on sait qu'il fera ce qu'il faut. Voilà une journée de travail de l'inspecteur Harry Callahan. Magnum Force, ou Akun Magnum, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 25 décembre 1973. Ce film américain d'une durée de 122 minutes a coûté 6,5 millions de dollars à produire et a amassé plus de 44,6 millions de dollars seulement sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Ted Post, lui qui avait réalisé les films Hang'em High, Beneath the Planet of the Apes et Good Guys Wear Black. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Robert Daly, lui qui avait produit les films The Eager Sanction, Breezy et The Gauntlet. Au niveau du poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain John Milius, lui qui avait écrit les scénarios de Conan the Barbarian en 82 et Red Dawn en 84, ainsi que Michael Cimino, ce scénariste américain qui lui avait écrit les films Silent Running, The Deer Hunter et Heaven's Gate. Dans la distribution, on y retrouve Clint Eastwood, Hal Holbrook, David Soul, Tim Madison, Kip Niven, Robert Hurich, Fulton Perry, Michelle Ryan, John Mitchum, Tony Giorgio, Suzanne Sommer et Clifford Pellow. Un détective aux méthodes brutales se voit confier une enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont des criminels et découvre que des policiers corrompus sont mêlés à cette affaire. Suite au succès de Dirty Harry, une suite sera rapidement demandée par les exécutifs de la Warner Bros. Alors qu'il travaillait sur le premier volet de la franchise, le scénariste Terrence Malick introduira le concept d'un policier qui fait sa propre loi envers les criminels, ébauche qui, à l'époque, fut rejetée par le metteur en scène Don Siegel. Eastwood se souviendra de ce concept et demandera alors au scénariste John Milius de partir de là pour écrire son script, ce dernier imaginant alors une histoire dans laquelle un groupe de jeunes policiers voyous exterminerait systématiquement les pires criminels de la ville, véhiculant l'idée qu'il existe des représentants de l'ordre encore pires que Harry Callahan. Milius s'inspira alors de l'escadron de la mort au Brésil qui faisait la une de l'actualité à cette époque. Le tristement célèbre escadron opérait entre le milieu et la fin des années 1960, à l'époque de la dictature militaire au Brésil, et était dirigé par un policier. Cette escouade était composée de membres voyous de la police et de la justice et financée par le monde des affaires. Leur objectif initial était d'éliminer des criminels connus qui ne pouvaient être traduits en justice légalement, mais avec le temps, Ils ont par la suite perpétré des assassinats politiques et des actes de terrorisme généralisés contre les ennemis du régime. Le titre original de la production sera alors Vigilante, mais sera rapidement changé pour Magnum Force, Milius étant un passionné d'armes à feu et se voyant remettre un des Magnum 44 de l'inspecteur Harry comme une part de son salaire pour sa participation au long métrage. Alors que le scénario était encore en écriture, Eastwood se verra proposer le rôle de réalisateur, mais ce dernier devra refuser l'offre et embauchera alors le metteur en scène Ted Post, avec qui il avait précédemment travaillé sur Rawhide et Hang'em High. Buddy Van Horn sera alors engagé comme directeur de la deuxième unité, ce dernier devenant plus tard le réalisateur de la dernière entrée de la franchise, soit de Deadpool. Frank Stanley sera par la suite embauché comme directeur de la photographie, alors que le compositeur Lalo Schifrin sera de nouveau choisi pour la création de la musique. Au niveau de la distribution, Magnum Force marquera les débuts sur le grand écran de plusieurs futures vedettes hollywoodiennes, telles que Robert Urich et Carl Weathers. L'acteur Albert Popwell, qui incarnait dans Dirty Harry le personnage d'un voleur abattu à qui Harry livre son speech iconique lors de la séquence de cambriolage, reviendra ici dans un autre rôle totalement différent du premier film. Il refera l'exploit dans les deux films suivants de la franchise, soit The Enforcer en 1976 et Sudden Impact en 1983, jouant à nouveau des personnages totalement différents. De plus, Magnum Force aidera à lancer officiellement un certain nombre de carrières, dont celle de David Soul de la télésérie Starsky et Hutch, ainsi que Tim Matheson, que l'on verra plus tard dans des films tels que Animal House en 1978 et Fletch en 1985. De plus, l'une des futures vedettes de la télévision américaine que l'on avait vue dans Three's Company, soit Susan Summers, se verra donner ici un rôle non crédité dans le drame policier, cette dernière pouvant être aperçue au bord de la piscine d'un criminel. Le tournage débutera à la fin avril et se terminera en juin de 1973. Celui-ci aura lieu entièrement à San Francisco et dans ses environs. Magnum Force marquera la toute première utilisation à titre de caméra principale pour un long métrage de la nouvelle caméra Paraplex. Cette caméra, qui pesait plus de 25 livres, pouvait être convertie du mode studio complet à un mode portatif, et ce, en moins de 60 secondes. Malheureusement, la production sera marquée par de nombreux différends entre Eastwood et le réalisateur Ted Post, Eastwood cherchant à tourner le plus facilement et rapidement possible afin de sauver dans les frais. Le metteur en scène restera amer avec Eastwood suite à ce tournage, affirmant que les désaccords sur le plateau ont par la suite affecté le reste de sa carrière, Post, ne retravaillant plus avec Eastwood par la suite, et son nom étant dissocié par la suite de grosses productions hollywoodiennes. Lorsque le scénariste-réalisateur John Milius sera engagé pour le tournage du long-métrage Dillinger, ce dernier ne sera plus disponible pour la production de Magnum Force, forçant Eastwood à faire appel au réalisateur Michael Cimino afin d'apporter des modifications au scénario. Ce dernier sera responsable de l'ajout de multiples séquences d'action se trouvant à la toute fin du long-métrage. De plus, la liaison amoureuse prévue entre Callahan et une mère de famille sera remplacée par celle avec le personnage de Sonny, qui sera ajoutée au script à la suggestion d'Eastwood, qui avait reçu des lettres de son auditoire féminin demandant qu'une femme drague de façon agressive le personnage de Harry Callahan. Eastwood fut si impressionné par le travail de Cimino sur Magnum Force qu'il embauchera ce dernier pour réaliser le film Thunderbolt et Lightfoot l'année suivante. Tout comme dans Dirty Harry, Eastwood réalisera lui-même la majorité de ses propres cascades. Cependant, le cascadeur légendaire Dar Robinson sera utilisé pour les séquences en moto qui étaient considérées comme beaucoup trop dangereuses pour Eastwood. Fait amusant, de nombreux journalistes du film ont été interprétés par de vrais journalistes et personnalités du monde des nouvelles télévisées basées à San Francisco, parmi lesquels on pouvait retrouver Art Brown, Marsha Brandwine et Paul D'Amato. Magnum Force sera distribué dans plus de 401 salles à travers les États-Unis et amassera plus de 6,8 millions de dollars durant son tout premier week-end, terminant sa course au sixième rang du box-office de 1973 derrière The Exorcist, The Sting, American Graffiti, Papillon et The Way We Were. Suite à sa sortie en salle, le long métrage sera au centre d'une controverse lorsqu'il fut découvert qu'une scène dans laquelle un nettoyant pour canalisation est utilisé pour assassiner une prostituée aurait inspiré deux meurtriers qui recherchaient une méthode unique pour commettre leur crime. Cependant, les deux hommes prétendront que s'ils n'avaient pas vu Magnum Force, ces derniers auraient choisi une autre méthode pour réaliser leur crime qui aurait probablement été tirée d'un autre film. L'écrivain Ronald Sheridan poursuivra les studios Warner Bros. Ainsi que le scénariste John Millian, prétendant qu'il se serait servi de son scénario intitulé Final Solution qu'il avait soumis à des exécutifs de la Warner Bros. En 1972. De plus, l'acteur Ross Morrow recevra plus de 17 000 $ en dommages et intérêts suite à une poursuite contre les studios Warner Bros. Et la Malpasso Company à cause d'un bourdonnement continu dans ses oreilles en raison de sa proximité avec un coup de feu produit pendant le tournage de Magnum Force. Morrow interprétait le chauffeur du personnage de Rika, un criminel assassiné à bout portant au tout début du long métrage. Le scénariste-réalisateur Michael Cimino décédera de cause naturelle le 2 juillet 2016 à sa résidence de Beverly Hills en Californie à l'âge de 77 ans. Quant à l'acteur Mitchell Ryan, celui-ci décédera suite à une défaillance cardiaque à sa résidence de Los Angeles en Californie le 4 mars 2022 à l'âge de 88 ans. Quant à David Soul, ce dernier décédera à Londres le 4 avril 2024 à l'âge de 80 ans de troubles respiratoires. Robert Urich perdra également la vie suite à des troubles respiratoires au Los Robles Hospital et Medical Center à Thousand Oaks le 16 avril 2002 à l'âge de seulement 55 ans. Pour Kip Niven, l'acteur perdra la vie suite à une crise cardiaque le 6 mai 2019 à Leawood au Kansas. Il était âgé de 73 ans. Pour l'acteur Hal Holbrook, dont le nom sera poussé au rang de superstar suite à son interprétation dans Magnum Force, ce dernier décédera à sa résidence de Beverly Hills le 23 janvier 2021 à l'âge de 95 ans, après plus de 70 ans de carrière. Finalement, le réalisateur Ted Post, qui sera condamné à réaliser des films à petit budget jusqu'à la fin de sa carrière, perdra la vie de cause naturelle le 20 août 2013 à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 95 ans. Du côté des points forts, eh bien, l'inspecteur Harry est de retour ici avec toutes ses répliques à point et ses façons extrémistes de régler tout problème. Magnum Force est un long métrage qui est beaucoup plus axé sur l'action que sur son intrigue, ce qui permet au long métrage d'avoir un certain intérêt. Quant à l'acteur Clint Eastwood, ce dernier est toujours aussi décontracté au niveau de son jeu, gardant ainsi son personnage en plein contrôle de la situation, même quand tout semble perdu. Mais du côté des points faibles, le scénario est ici ultra prévisible et sans grande complexité, qui identifie rapidement ses antagonismes afin de ne pas perdre l'intérêt des spectateurs qui ne désirent ici qu'un film typiquement d'action afin de se changer les idées. La réalisation de Ted Post est loin de surpasser celle de Don Siegel du film précédent, celle-ci ne se satisfaisant qu'à mettre en image de façon très simple l'intrigue de son scénario. Magnum Force perd totalement l'aspect des mœurs de tous les personnages qui rendaient Dirty Harry si intéressant. D'ailleurs, le scénario est totalement décousu, nous donnant une suite de scènes choc qui ne laisse aucune chance au réalisateur d'instaurer un rythme intéressant à son film. Finalement, la conclusion est d'une facilité désarmante, les criminels ayant à plusieurs reprises la chance d'éliminer notre héros, mais trouvant des raisons totalement illogiques pour ne pas le faire, ce qui les amènera à leur perte. Du côté de la musique, eh bien, de nouveau, ce sera le compositeur américano-argentin Lalo Schifrin qui sera là, lui qui avait travaillé sur les trames sonores des films Roller Coaster, FX2, Rush Hour 2 et 3. On peut bien sûr trouver la trame sonore de Magnum Force en cassette 4 pistes ainsi qu'en vinyle, chose qui était sortie dans l'année de 1973. Mais cependant, nous avons accès également à la trame sonore sur CD, un CD qui est sorti le 13 juin 2005 sous l'étiquette Alep Record Incorporated. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Yes, folks, it's intermission time. So how about taking a break? Get out and stretch a little and relax before the show begins again. And why not make it refreshment time, too? We have lots of tasty, delicious treats waiting for you at the refreshment center. There's hot popcorn, so golden good and fresh out of the popper. And all kinds of refreshing ice-cold soft drinks. Sizzling hot dogs just bursting with juicy goodness. Ice cream so smooth and delicious, you'll hanker for more. Plus, all the most popular candy bars and many other favorite treats. So why not visit the refreshment center now? Our courteous attendants are ready and waiting to serve you with a wide and wonderful variety of good things to eat and drink. So step right up and make yourself at home. Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow! It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men. A pleasant aroma for you. But not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sandflies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard. So if you don't want our company ever anywhere, just light Pick and see what I mean? Bye! Pick is on sale at the refreshment stand now. And now, on with the show. San Francisco est la 8e ville cosmopolite des États-Unis. Et comme toutes les grandes cités, elle paye son tribut au crime et à la violence. Encore ! Ne le laissez pas me tuer ! Nous voulons qu'on amène une voiture tout de suite ! Elle est la seule cité qui ait un flic comme Callaghan, un inspecteur qui ne renonce jamais. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Une voiture. Clint Eastwood est... l'inspecteur Callaghan. Le maire de cette ville de flics pourris a été fait prisonnier de guerre par la force de frappe du peuple révolutionnaire. Que voulez-vous ? Oh ! Pourquoi protégez-vous ces salopards ? Vous savez qu'ils ont tué ! Des sacrifices doivent parfois être faits, Callaghan. Vous vous trompez, inspecteur. Nous condamnons toute violence. Qu'attendez-vous alors ? Que tous les blancs se soient entretués. Après, nous prendrons le pouvoir sans violence. Vous ne renoncez jamais, vous ? Si, parfois. Oh non. Écoutez bien ce que je pense, salopard. Vous êtes un bon à rien qui vend de la pornographie. Callaghan fait équipe avec une femme. C'est la première fois que ça lui arrive. Alors vous ne faites pas d'idiotie, compris ? Vous posez votre arme doucement. Là, à côté de vous, et vous écartez les jambes. Vous voulez rigoler, petit. L'inspecteur qui ne renonce jamais, c'est Clint Eastwood. Plus sûr de lui, plus implacable que jamais, Clint Eastwood, l'inspecteur qui ne renonce jamais. Enforcer, où l'inspecteur ne renonce jamais, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 22 décembre 1976. Ce film américain d'une durée de 96 minutes a coûté plus de 9 millions de dollars à produire et a amassé plus de 46,2 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène James Fargo, lui qui avait réalisé les films « Every Which Way But Loose » et « Forced Vengeance ». Au niveau du poste de producteur, on y retrouve de nouveau le producteur Robert Daly, lui qui avait produit les films « Play Misty For Me » et « Thunderbolt » et « Lightfoot ». Alors qu'au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Dean Reisner, lui qui avait écrit les films de « Play Misty For Me »,« Fatal Beauty » et le premier « Dirty Harry ». Et celui-ci sera assisté de Sterling Siliphant, ce scénariste américain qui avait écrit les scénarios du film de 1960 « Village of the Damned » et du film de 1974 « The Towering Inferno ». Dans la distribution, on y retrouve Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, Bill Ackridge, Devran Bookwater, Albert Popwell, John Crawford, Robert Hoy et Michael Cavanaugh. Un policier aux méthodes brutales entre en lutte contre un groupe de terroristes qui ont kidnappé le maire de San Francisco. En 1974, deux jeunes étudiants en cinéma de la région de San Francisco, Gail Morgan Hickman et S.W. Scher, écriront un scénario intitulé « Moving Target », scénario qui leur viendra en tête suite au visionnement de Dirty Harry et Magnum Force. Inspiré par l'enlèvement de Patty Hearst en 1974, le scénario mettait l'inspecteur Callahan face à un groupe de militants violents qui kidnappent le maire de San Francisco et demandent alors une rançon contre sa libération. Une fois le scénario terminé, Hickman visitera un restaurant qui appartenait à Eastwood et qui était situé dans la ville de Carmel, en Californie. C'est à cet endroit, nommé le Hog's Breath Inn, que le jeune homme approchera le partenaire commercial de Eastwood, Paul Lipman, afin de lui demander s'il pouvait remettre à l'acteur, producteur et réalisateur son scénario. Hésitant, Lipman acceptera finalement et, suite à sa lecture, Eastwood, qui pensait que l'œuvre aurait besoin d'être retravaillée, aimera le concept, en particulier le prêtre aux tendances militantes et surtout la représentation de militants noirs basée sur le Black Panther Party. Pendant ce temps, les exécutifs de la Warner Bros. Étaient désireux aussi de capitaliser sur le succès des deux films précédents de la franchise et avaient engagé le scénariste chevronné Sterling Siliphant pour écrire une nouvelle histoire pour l'inspecteur Callahan. Siliphant écrira alors un scénario intitulé « Dirty Harry and More » dans lequel le personnage de Callahan faisait équipe avec une partenaire asiatique-américaine nommée Moore. Eastwood aimait l'angle de la partenaire féminine, mais estimait que le scénario consacrait beaucoup trop de temps aux différents personnages et ne comprenait pas assez d'action. C'est à ce moment que Eastwood montra le scénario de Hickman Esker à Siliphant et ce dernier acceptera alors de le retravailler en y ajoutant certains segments de sa version à lui. Siliphant travaillera donc sur le scénario de la fin de 1975 jusqu'au début de 1976 et remettra sa version finale à Eastwood en février. Eastwood n'était toujours pas complètement satisfait du script et demandera de nouvelles réécritures. Malheureusement, Siliphant devra quitter le projet car il avait d'autres engagements et ce sera alors le scénariste Dean Reisner qui avait travaillé sur le scénario du premier film de la franchise Dirty Harry qui sera approché pour effectuer ses revisions. Après ses disputes avec le réalisateur Ted Post sur le tournage du précédent opus, Eastwood avait bien l'intention de rediriger lui-même The Enforcer. Malheureusement pour lui, suite à une querelle avec le scénariste-réalisateur Philip Kaufman sur le plateau de tournage de The Outlaw Josie Wells, Eastwood dut remplacer ce dernier au poste de réalisateur, ce qui le forcera à confier le fauteuil de la réalisation à James Fargo, son assistant réalisateur de longue date, qui fera ici ses débuts en tant que metteur en scène à part entière. Cependant, au final, Eastwood aura le dernier mot sur toutes les décisions prises sur la production, les deux hommes étant beaucoup plus familiers avec leur style respectif qu'Eastwood ne l'avait été avec Ted Post sur Magnum Force. Au niveau de la distribution, les acteurs Harry Guardino et John Mitchum reprendront leurs personnages récurrents, soit le lieutenant Bresler et l'inspecteur Frank DiGiorgio, pour une dernière fois dans la franchise. Pour le personnage de Kate Moore, la partenaire féminine de Callahan, le rôle sera finalement attribué à l'actrice Tyne Daly à la recommandation du scénariste Sterling Silipant. Daly, qui était connue principalement pour ses rôles à la télévision, avait initialement refusé le rôle à plus de 3 reprises, étant opposée à la façon dont le personnage était traité dans certaines parties du scénario et s'inquiétait du fait que les 2 personnages des forces de police tombent amoureux, une situation qu'elle considérait problématique. Afin que cette dernière accepte le rôle, Eastwood permettra à la comédienne de lire les ébauches du scénario développé par Reisner et disposait d'une marge de manœuvre importante dans le développement de son personnage. Malgré cela, Daly sera tout de même horrifié par l'ampleur de la violence lors du visionnement à la première du long-métrage. Le tournage de Dirty Harry 3 débutera dans la baie de San Francisco le 14 juin 1976. Un mois après le début du tournage, Eastwood choisira alors le titre The Enforcer. De plus, ce dernier sera dubitatif quant à la quantité de ses répliques et préférera une approche beaucoup moins bavarde, faisant de ce 3e volet des aventures de l'inspecteur Callahan le plus court de la franchise jusqu'à date. Un point important sur ce 3e film sera l'utilisation de la prison située sur l'île d'Alcatraz, un décor que réutilisera Eastwood 3 ans plus tard pour son drame Escape from Alcatraz, qui sera réalisé par le metteur en scène Don Siegel. Compte tenu de la dynamique de longue date entre Eastwood et Fargo, la production sera fluide et efficace et se terminera sans grand anicroche le 15 septembre 1976. Durant la production, l'actrice Tyne Daly ne sera témoin qu'une seule fois où Eastwood se mettra en colère. En effet, alors que les 2 acteurs filmaient une scène culminante, un des directeurs de production pressera l'équipe afin de conclure le tournage de la dite séquence. C'est alors qu'Eastwood lèvera le ton, retorquant qu'ils étaient arrivés jusqu'ici en faisant de la qualité et qu'il n'était pas nécessaire de commencer à botcher le travail où ils étaient rendus. Suite à cet argument, toute l'équipe de production se remettra au travail, et ce, jusqu'à ce qu'Eastwood soit satisfait du résultat final. Ce sera finalement le compositeur Jerry Fielding qui sera embauché pour la création de la musique du film de The Enforcer, le compositeur Lalo Schifrin n'étant tout simplement pas disponible pour réaliser le projet. Fielding était un compositeur extrêmement talentueux de musique pour le cinéma et la télévision dans les années 60 et 70 et avait principalement travaillé sur des films d'action et des émissions de télévision dramatique, ayant entretenu une relation de travail très étroite avec le réalisateur Sam Peckinpah, mais également avec Eastwood, notamment pour le western The Outlaw Josie Wells, ce qui lui vaudra d'ailleurs une nomination aux Oscars. Lors de sa sortie en salle à l'automne 1976, The Enforcer sera un succès commercial majeur qui remportera plus de 9 millions de dollars durant son tout premier week-end sur le continent nord-américain, un record à cette époque pour un film mettant en vedette Eastwood. The Enforcer terminera au 8e rang des films les plus lucratifs de 1976, tout juste en arrière de The Bad News Bears. Malgré sa popularité, ce nouveau Dirty Harry sera très mal reçu par la critique pour son haut niveau de violence, allant même jusqu'à prétendre qu'Eastwood devrait se faire remettre le prix du pire acteur de l'année. Plus tard, Clint Eastwood, sa compagnie Mal Paso Company et les studios Warner Brothers seront poursuivis par le romancier Andrew Sugar qui affirmait que le titre du drame policier avait été pris de sa série de livres de science-fiction également intitulée The Enforcer, compromettant alors toutes ses chances de vendre les droits cinématographiques de sa série de livres à Hollywood. Au final, le juge acquittera les accusés, Eastwood faisant valoir qu'il tirait le titre de son film The Enforcer d'un autre film de la Warner Brothers de 1951 qui mettait en vedette l'acteur Humphrey Bogart. De nombreuses personnes travaillant sur ce long métrage nous ont quittés. D'abord, du côté de la distribution, l'acteur Harold Guardino, qui interprétera le supérieur de Callahan dans le 1er et 3e film de la saga, perdra la vie suite à un cancer des poumons dans un hôpital de Palm Street, en Californie, le 17 juillet 1995, à l'âge de 69 ans. Quant à Bradford Tillman, ce dernier décédera à Santa Barbara, en Californie, le 16 janvier 2018, à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie. Pour John Mitchum, qui interprétait le policier Frank DiGiorgio, celui-ci décédera le 29 novembre 2001 à Los Angeles des suites de 3 accidents vasculaires cérébraux consécutifs. Il était âgé de 82 ans. Finalement, le comédien Devron Bookwalter, qui jouait le rôle du principal antagoniste dans ce long métrage, décédera au jeune âge de 47 ans, le 23 juillet 1987, des suites d'un cancer de l'estomac à l'hôpital St. Vincent de New York. Les scénaristes Dean Reisner et Sterling Silipin nous ont également quittés. Reisner décédant en 2002 de causes naturelles à Encino, en Californie, alors que Silipin décédera le 26 avril 1996 des suites d'un cancer de la prostate à Bangkok, en Thaïlande, à l'âge de 78 ans. Finalement, le compositeur Jerry Fielding décédera à l'âge de 57 ans des suites d'une crise cardiaque suivie d'une insuffisance cardiaque congestive alors qu'il se trouvait à Toronto où il composait la musique du film Funeral Home. Il est mort le 17 février 1980. The Enforcer était à l'origine le dernier film de la franchise de Dirty Harry. Cependant, suite au succès au box-office de ce troisième volet, les exécutifs de la Warner Bros. Mettront de la pression sur Eastwood pour un nouveau film qui cédera finalement en 1983, conduisant ainsi au développement d'un quatrième film dans la série, soit Sudden Impact, un nouveau long-métrage que l'acteur, producteur et réalisateur mettra lui-même en scène. Du côté des points forts, eh bien, ce troisième volet des aventures de l'inspecteur Callahan se distingue de ses prédécesseurs par son humour croquant, Eastwood et Daly étant tout simplement juteux dans leurs rôles respectifs. Le drame policier cache efficacement les faiblesses de son scénario avec une mise en scène dynamique qui permet au rythme d'être soutenu grâce à des scènes d'action bien réalisées, mais également par cette touche humoristique qui permet aux spectateurs de passer un bon moment. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario est de nouveau très traditionnel, utilisant un bon éventail de trucs commerciaux connus afin de satisfaire l'auditoire. La mise en scène est par moments théâtrale, nous donnant à un certain moment l'impression que l'on écoute un film à petit budget réalisé directement pour la vidéo. Les personnages ici sont ultra caricaturales et le vilain ne donne pas vraiment l'impression d'être une véritable menace pour Harry, ce dernier se comportant en total imbécile à la fin du long-métrage, abandonnant complètement, et ce sans aucune raison, son otage, permettant ainsi à Harry de mettre un terme à ses actions meurtrières de façon explosive. On est très loin ici du Scorpio de Dirty Harry. Certains membres de la distribution sont véritablement mal choisis, notamment M.J. Kelly dans le rôle du prêtre, qui est loin de nous faire croire à la possibilité qu'un tel individu soit véritablement un homme de l'Église. De plus, les membres de ce tout petit regroupement de terroristes ont plus l'air d'amateurs qu'autre chose. Finalement, et ce même si Tyne Daly avait un certain contrôle sur son personnage, Kate Moore est très mal exploitée ici, malgré le fait que l'actrice vole à certains moments la vedette à Eastwood. Le personnage est malheureusement traité de façon ridicule, donnant par moments l'impression qu'elle ne fait que suivre Callahan comme un vulgaire petit chien. De plus, il me semble qu'une policière bien avertie ne passerait pas son temps à courir après des criminels avec son sac à main, cet objet devenant beaucoup plus un fardeau qu'un outil nécessaire à son travail. Au final, Moore donne l'impression que les producteurs voulaient montrer que la femme a peut-être sa place aux côtés des hommes dans la société de cette époque, mais que cette dernière demeure tout de même une personne qui a l'air plus à l'aise dans la cuisine à s'occuper de son homme, ce qui est tout à fait navrant, parce que l'on perd ici la chance de nous montrer un personnage fort intéressant qui aurait pu rester dans les films subséquents ou du moins avoir la possibilité de revenir dans une autre suite. Au niveau de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Jerry Fielding qui s'occupe de la composition musicale ici, lui qui avait réalisé les musiques des films The Wild Bunch, la version de 1971 de Straw Dogs, la version de 1972 de The Getaway et la trame sonore de The Outlaw, José Wells. Pour la trame sonore de The Enforcer, eh bien, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver en 4 pistes et en vinyle en 1976, mais qui est sorti sur CD le 26 juin 2007 sous l'étiquette Alep Record Incorporated. Intermission time. Time that stretch you've been wanting. And best of all, time to take your pick from that scrumptious array of tasty treats waiting for you at the snack bar, where the popcorn's popping, the cold drinks are sparkling, the hot dogs are slinging, the coffee is steaming, and a luscious treasure of confectionery delights with ice cream and candy, and so much more to tempt any taste, is waiting for you now at the snack bar. You'll be notified in plenty of time when the next show is about to begin. Satisfy the kiddies with a bag of crisp, crunchy popcorn. And don't forget to get an extra bag or two to take to the car to munch on during the show. You will also want to take a supply of ice-cold soft drinks or delicious, flavorful coffee to keep you refreshed throughout the next show. Make the evening complete by getting a tasty treat for yourself and every member of your party. Make your visit to our theater a pleasant occasion to be remembered. We'll be richly rewarded with the thought that we have pleased you. And now, on with the show. Rated X. L'inspecteur Harry est de retour dans Sudden Impact. Mais qu'est-ce que tu fous là, sale pourriture de flic? À présent, posez vos armes, les enfants. Sans blague. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Qui c'est, nous, connard? Smith, Wesson et moi. Vas-y, y allez. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Clint Eastwood, l'inspecteur Harry. Sudden Impact. Sudden Impact, ou le retour de l'inspecteur Harry, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 9 décembre 1983. Ce film américain d'une durée de 117 minutes a coûté 22 millions de dollars à produire et a amassé plus de 150 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Clint Eastwood, lui qui avait réalisé les films Plain Misty for Me, Pale Rider et Space Cowboys. C'est également lui qui occupera le poste de producteur, Eastwood ayant produit les films Tightrope, Unforgiven, True Crime et Mystic River. Au niveau de la scénarisation, ce sera le scénariste américain Joseph Stinson qui écrira ici le long métrage, lui qui avait travaillé sur les scénarios des films City Heat, Stick et Heartbreak Ridge. Dans la distribution, on y retrouve bien sûr l'acteur Clint Eastwood, Sandra Locke, Pat Hingle, Bradford Dillman, Paul Drake, Michael Maurer, Albert Popwell, Audrey G. Neenan, Jack Thibault, Michael Curry, Michael Gazzo, Kevin Major Howard, Betty Ford et Nancy Parsons. Pourchassé par des tueurs de la mafia pour avoir causé la mort d'un caïd, un inspecteur de police aux méthodes brutales est chargé d'enquêter sur une affaire de meurtre dans une petite ville du sud de la Californie. Clint Eastwood était persuadé que la franchise Dirty Harry serait terminée suite au film The Enforcer. Cependant, près d'une décennie plus tard, des exécutifs de la Warner Brothers mèneront une enquête marketing alors que le studio de distribution s'apprêtait à distribuer en salle le tout nouveau film de James Bond mettant en vedette Sir Sean Connery, soit Never Say Never Again en 1983. Dans cette enquête, on demandait aux cinéphiles de nommer un acteur et un rôle célèbre joué par cet acteur qu'ils souhaiteraient revoir sur le grand écran. Clint Eastwood et le personnage de Dirty Harry obtiendront un score si élevé dans les résultats de cette enquête que le studio décidera alors de rencontrer l'acteur et de regarder avec lui s'il serait ouvert à la production d'un autre film de la franchise. À la fin de cette époque, Eastwood accepta de reprendre son Magnum 44 à condition qu'il réalise lui-même le long-métrage, quelque chose qu'il avait eu l'intention de faire sur The Enforcer, mais malheureusement, son emploi du temps ne lui avait pas permis. À cette époque, les scénaristes Charles Pierce et Earl Smith travaillaient sur un script pour le prochain film de l'actrice Sandra Locke. Cette dernière avait entamé une relation amoureuse avec l'acteur Clint Eastwood en 1975 sur le plateau de The Outlaw Josey Wales, alors qu'ils étaient mariés chacun de leur côté respectif. Cette relation dura jusqu'en 1989 et ce sera durant cette période que Locke jouera dans plus de 4 autres films aux côtés de Eastwood, soit Bronco Billy, The Gauntlet, Every Which Way But Loose, ainsi que Every Which Way You Can. Ayant perdu son momentum, celle-ci cherchait un scénario qui pourrait relancer sa carrière cinématographique. Vieillissante et n'ayant plus le statut d'actrice de premier plan, Locke cherchera en vain un studio qui financerait le script. Voyant une excellente opportunité s'offrir à lui, Eastwood demandera alors à Locke s'il pouvait utiliser et retravailler le dit scénario pour en faire son nouveau Dirty Harry, lui promettant alors qu'elle aurait le rôle de l'antagoniste principal. Avec l'approbation de Locke, Eastwood demandera alors au scénariste Joseph Stinson de réécrire le scénario de Smith et Pierce. Amusante anecdote, la réplique « Go ahead, make my day » fut écrite par Pierce et conservée dans la version finale du script. Pierce avait initialement travaillé comme décorateur sur le plateau de The Outlaw Josey Wales. Cette phrase deviendra une réplique iconique du personnage de Callahan, mais ce ne sera que dans ce quatrième film de la franchise que cette dernière sera utilisée. De nombreux acteurs auditionneront pour le film sans savoir qu'il s'agissait ici du nouveau chapitre des aventures de Harry Callahan. Les scripts avec lesquels ils travaillaient pour leurs auditions avaient tous remplacé le nom de Callahan par le nom de famille Donnelly. Eastwood prendra alors la décision de ramener les acteurs Bradford Dillman et Albert Popwell, qui interpréteront de nouveaux personnages, Dillman jouant le rôle d'un supérieur de Callahan nommé Captain Briggs, alors que Popwell apparaissait ici comme un ami policier de Harry, une quatrième et dernière apparition du comédien dans la franchise, toutes dans la peau de personnages différents. L'acteur Stephen Keats fut initialement choisi pour interpréter le personnage de Mick, mais devra se retirer, laissant finalement la place à l'acteur Paul Drake pour le rôle. Le tournage débutera le 3 mai 1983 sous le titre de travail de Killing Ground. Il s'agira ici du seul long-métrage de la franchise qui ne sera pas tourné exclusivement dans la ville de San Francisco, des séquences étant également tournées à Santa Cruz en Californie. Une des scènes où Harry poursuit un braqueur de bande dans le quartier des affaires du centre-ville offre un rare aperçu de la région avant que celle-ci ne soit dévastée par le tremblement de terre de Loma Prieta le 17 octobre 1989. Selon le coordinateur des cascades, Wayne Van Horn, une autre scène dans laquelle Eastwood réquisitionnait un bus rempli de personnes âgées fut réalisée à l'aide d'un bus spécialement conçu par la production par la compagnie General Motors Corporation. L'actrice Sandra Locke célébrera son 39e anniversaire de naissance sur le plateau de tournage. Il s'agira ici du dernier film dans lequel elle travaillera avec Eastwood et celle-ci verra par la suite sa carrière sombrer dans l'oubli, n'obtenant que quelques apparitions par-ci et par-là. Ce sera de nouveau le compositeur Lalo Schifrin qui sera embauché pour la trame instrumentale du long-métrage. L'œuvre a été arrangée par Harvey Cohen, qui aidera ici Schifrin dans la composition. Pour la chanson finale, celle-ci sera interprétée par la chanteuse Roberta Flack. Intitulée « This Side of Forever », cette chanson aura comme musique de fond le même morceau entendu au générique de fin du film « Dirty Harry » en 71 ainsi que « Magnum Force » en 73. Sudden Impact sera distribué dans plus de 1530 cinémas à travers l'Amérique du Nord et amassera plus de 10 millions de dollars durant son week-end d'ouverture. Avec ses 67,6 millions de dollars nord-américains, ce quatrième volet des aventures de l'inspecteur Harry deviendra le plus gros succès de la franchise. À ce stade de sa carrière, Eastwood recevait un salaire qui comprenait environ 60 % de tous les bénéfices du film, laissant les 40 % restants au studio de la Warner Bros. Selon les estimations de l'époque, l'acteur, réalisateur et producteur aurait amassé la jolie somme de plus de 30 millions de dollars avec Sudden Impact. L'acteur Albert Popwell décédera le 9 avril 1999 des suites de complications suite à une opération à cœur ouvert. Il était âgé de 72 ans. Quant à l'acteur Pat Hinkle, ce dernier décédera des suites d'un cancer le 3 janvier 2009 à l'âge de 84 ans à sa résidence de Carolina Beach en Caroline du Nord. Finalement, l'année 2018 emportera deux autres vedettes de ce film, soit Bradford Dillman, qui perdra la vie à l'âge de 87 ans le 16 janvier suite à des complications reliées à une pneumonie, et Sandra Locke, qui décédera, elle, à sa résidence de Los Angeles le 3 novembre des suites d'un arrêt cardiaque relié à ses cancers du sein et des os. Elle était âgée de 74 ans. Du côté des points forts, eh bien, ce quatrième volet est sans contredit celui qui se rapproche le plus du premier film de la franchise, tant au niveau du contenu plus adulte de l'histoire que de ce vilain qui semble beaucoup plus près au niveau menace que de celui de Scorpio dans le premier film, sans toutefois atteindre le niveau de ce dernier. Le film comprend une bonne dose d'humour et d'action qui donne l'impression au spectateur que ce dernier a bien investi son temps d'écoute. Cela dit, les amateurs de la franchise vont y trouver leur plaisir. Mais du côté des points faibles, le scénario est simpliste, ne se contentant ici que nous donner les mêmes recettes et les mêmes dialogues one-liners tant connus du héros. La mise en scène d'Eastwood est par moments paresseuse et sans rythme, ne faisant que nous donner une série de séquences d'action et de meurtres sans grande vitalité, voire même un manque de fluidité entre les moments présentés. La distribution est également artificielle. On a l'impression que Eastwood ne fait que nous donner la même salade, sachant que cela plaira à son auditoire, un pari qu'il a gagné au final. Même l'actrice Sandra Locke, par moments, est peu convaincante dans son rôle. Les scènes d'action sont quelque peu malhabiles, Eastwood n'ayant définitivement pas le physique de l'emploi, comme tous ses caïds de la pègre qu'il poursuit, ces derniers ayant plus l'air d'abrutis que de meurtriers. D'ailleurs, la façon dont Harry se débarrasse de ses adversaires est d'une facilité déconcertante, ce qui fait que l'on ne sent jamais que l'inspecteur Callahan est véritablement en grand danger dans ce film. Du côté de la musique, eh bien, encore une fois, c'est le compositeur américano-argentin Lalo Schifrin qui est de retour ici pour la composition de la musique du film, lui qui avait travaillé sur les films Bullet, The Cincinnati Kid, Enter the Dragon et The Eagle Has Landed. Donc, on peut retrouver, bien sûr, Sudden Impact sur cassette 4 pistes et vinyle. Ça, c'était sorti en 1983. Mais il faudra attendre au 6 mai 2008 pour avoir un CD, une trame sonore qui sera distribuée sous l'étiquette de Alep Record Incorporated. We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. more out of life. Go out to a movie. T'as oublié ton gâteau surprise? Quoi? Si vous croyez savoir dans quelle aventure est embarqué l'inspecteur Harry, regardez-y à deux fois. Pas un secret, la liste noire est un jeu inoffensif. Moi, ça me semble pas normal. Je vais en faire une réalité de son jeu. Le jeu va continuer? Au cas où vous n'auriez pas compris, Callahan, votre nom aussi est sur cette liste. T'as pas pigé? Le jeu, c'est de choisir des célébrités qui font pas de vieux os à cause de leur âge, de leur maladie ou de leur profession à haut risque. Comme celle d'Afflic? Rien de personnel, ma biche. J'ai l'impression que cette histoire de liste noire vous rend paranoïaque, Callahan. Moi aussi, je vais faire ma liste noire. Et je vais vous mettre dessus. Vous me menacez? Si vous jouez à la liste noire... Pour mieux connaître les règles, ma biche. Clint Eastwood et l'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry est la dernière cible. The Deadpool, ou les enjeux de la mort, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 17 août 1984. Ce film américain d'une durée de 91 minutes a coûté plus de 31 millions de dollars à produire, mais n'a amassé que 37,9 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Buddy Van Horn, lui qui avait réalisé les films Any Which Way You Can et Pink Cadillac. Au niveau du poste de producteur, on y retrouvera le producteur américain David Valdez, lui qui avait produit les films Pale Rider, la version de 1990 de Rookie, Bird et The Book of Eli. Et finalement, ce sera Steve Sharon, ce scénariste américain qui aura ici le seul scénario de sa carrière à Hollywood, soit The Deadpool. Au niveau de la distribution, on y retrouve Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson, Evan C. Kim, David Hunt, Michael Curry, Michael Goodwin, Jim Carrey, Anthony Charnota et Ronnie Claire Edwards. Un inspecteur au métal brutal enquête sur une série de meurtres qui déciment le milieu du vedettariat de la ville de San Francisco, ce qui le mène à un réalisateur de films d'horreur à rabais qui a dressé une liste de célébrités qui, selon lui, ne verront pas la fin de l'année. Plusieurs années passeront sans qu'un projet de retour de l'inspecteur Harry ne soit mis sur la table. Cependant, lorsqu'Eastwood demandera aux exécutifs de la Warner Brothers de financer sa biopic Bird, qui sortira en salle en 1988, ceux-ci lui demandèrent en échange de produire un nouveau film de la franchise de Dirty Harry. Acceptant l'offre, Eastwood se tournera alors vers le scénariste Steve Sharon pour l'écriture du script, dont le concept proviendra de plusieurs sources différentes, notamment celle d'un journaliste qui lui a un jour parlé de membres des médias organisant des paris sur la date de décès de certaines vedettes. Le scénario aura plusieurs réécritures et lorsqu'Eastwood sera satisfait du résultat final, ce dernier se tournera alors vers le réalisateur Buddy Van Horn qui avait déjà dirigé l'acteur en 1980 pour la comédie « Every Which Way You Can ». À cette époque, Eastwood était le maire de Carmel by the Sea en Californie et ses responsabilités l'empêchaient de pouvoir s'occuper lui-même de la réalisation de ce cinquième film. The Deadpool sera une production ultra-expéditive, le film entrant en pré-production en janvier 1988 avec une date de sortie prévue en août de cette même année. Au niveau de la distribution, Liam Neeson sera rejoint par l'actrice Patricia Clarkson, dont il s'agira ici de son second rôle sur le grand écran. Jim Carrey, qui sera crédité ici sous le nom de James Carey, Evan Kim, Mark Alamo et également Charles Martinet, qui fera les voix de Mario et Luigi dans la série de jeux vidéo Super Mario Bros. De 1992 à 2033, compléteront la distribution. Cependant, l'acteur Albert Popwell, qui avait eu un rôle dans tous les précédents films de la franchise, ne sera pas présent dans cette production, l'acteur n'étant tout simplement pas disponible en raison d'un conflit d'horaire avec le tournage de Who's That Girl. Finalement, les membres du groupe rock Guns N' Roses feront ici une apparition non créditée pour deux séquences et interpréteront pour le long métrage la chanson à succès « Welcome to the Jungle ». Mais avant même que le tournage ne débute, il y aura des protestations de la part des citoyens de San Francisco quant à savoir si la ville désirait vraiment être au centre d'une nouvelle aventure de l'inspecteur Callahan, ceux-ci ne croyant tout simplement pas que ce personnage soit un représentant approprié pour leur ville. Un débat aura même lieu devant le conseil municipal pour savoir s'il s'agissait d'une visibilité désirée, ce qui sera alors accepté par une majorité de la population qui conviendront que le personnage, malgré ses dimensions anti-héros, était bon pour la ville car il était devenu, avec le temps, un symbole célèbre, mythique et légendaire du cinéma américain moderne et que la franchise avait été un bon attrait pour le tourisme. Et donc, le tournage débutera le 17 février 1988 à San Francisco et se terminera en mars, Jim Carrey ne prenant que 3 jours pour tourner toutes ses séquences, alors que l'acteur Evan Kim effectuera lui-même toutes ses cascades de combat. Les scènes de poursuite automobile présentent de nombreuses similitudes avec la célèbre poursuite en voiture du film Bullet avec l'acteur Steve McQueen. La nécessité de fermer diverses rues de San Francisco continuellement animées signifiait que les séquences avaient tendance à passer d'un quartier à l'autre, créant ainsi un certain nombre d'erreurs de continuité qui seront facilement négligées lors des scènes, se passant alors sur l'écran à un rythme effréné. Pour la séquence iconique où la voiture de Callahan est poursuivie par une bombe radio-télécommandée, celle-ci prendra plus d'une semaine et demie à tourner. Pour les plans rapprochés de la bombe, un tricycle motorisé avec une caméra montée au niveau du sol sera utilisé pour filmer le modèle miniature téléguidé qui sera conduit par l'ancien pilote de course du championnat du monde de IFMAR, Jay Halsey, qui fut embauché car Van Horn avait besoin d'un pilote expert. Bien que l'engin soit équipé d'un moteur électrique, comme tous les autres modèles de compétition, l'effet sonore de son moteur à combustion interne sera ajouté en post-production. The Deadpool sera le seul film de la franchise à être tourné en Dolby Stereo. Ce sera de nouveau le compositeur Lalo Schifrin qui sera engagé pour composer la musique du long-métrage, mélangeant ici des arrangements de jazz, de rock et de pop assez conventionnels, ainsi que de nombreuses musiques semblant provenir de nombreux films à suspense des années 1950. Une fois sorti en salle, le film amassera plus de 2,1 millions de dollars durant sa première présentée dans plus de 1706 salles de cinéma en Amérique du Nord. Plus de 12,8 millions sera amassé à la fin de son premier week-end, mais The Deadpool sera le film le moins lucratif de la franchise, mettant ainsi fin aux aventures cinématographiques de l'inspecteur Harry Callahan. De cette production, seul le réalisateur Buddy Van Horn nous quittera, ce dernier décédant à Los Angeles le 11 mai 2021 à l'âge de 92 ans. Aujourd'hui, le film de 1971, Dirty Harry, est reconnu comme l'un des plus grands films du cinéma. En 2008, le magazine Empire listera le drame policier comme l'un des 500 plus grands longs-métrages du cinéma, alors que le New York Times le placera dans sa liste des 1000 meilleurs films à avoir été réalisés. En janvier 2010, la revue Total Film placera le long-métrage dans sa liste des 100 meilleurs films, alors que le TV Guide et Vanity Fair le placeront dans leur top 50. Même le créateur de comic book Rob Liefeld admettra en entrevue que le titre du dernier film de la franchise de Dirty Harry, The Deadpool, l'inspirera pour le nom de son super-héros iconique, Deadpool. Il est précisé que depuis 1972, aucun personnage de film d'action ou de drame policier n'a pas, à un moment ou à un autre, été inspiré par le film Dirty Harry ou encore par le personnage de Harry Callahan. En 2000, Eastwood annoncera publiquement qu'il n'avait aucun intérêt à jouer dans un autre film de la franchise, mettant ainsi un terme aux aventures de Harry Callahan. Du côté des points forts, eh bien, de Deadpool marque la fin de la franchise de Callahan, ce petit film terminant sur une bonne note, une série qui semblait n'aller nulle part. Bien que son scénario soit conventionnel, celui-ci possède une meilleure continuité que ses précédents chapitres. L'humour est croquant, malgré les habituelles blagues et one-liners de Eastwood et de son personnage. L'aspect de voir Callahan confronté à une popularité et aux médias est un excellent concept, tout comme les dommages que peuvent causer les journalistes sur leur entourage, ces derniers se nourrissant de la visibilité, les personnes souffrant de troubles mentaux se nourrissant de la visibilité fournie par ceux-ci pour commettre leurs actions. L'attraction première du film demeure cette poursuite automobile entre Callahan et une voiture téléguidée possédant une bombe et cherchant à mettre un terme à la vie de notre héros. Il est également amusant de voir ici Jim Carrey dans l'un de ses premiers rôles, un acteur dont les mimiques faciales sont de trop ici, mais qui deviendront plus tard sa marque de commerce. Au final, The Deadpool est avec facilité le second meilleur volet de la franchise qui semble épuisé d'inspiration. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario exploite mal les idées véhiculées dans ce film, nous les mettant devant nos yeux de façon extrême et simpliste. Le récit, hautement prévisible, s'inspire ouvertement des autres volets de la série et le traitement du long métrage est clairement fait pour un auditoire jeune qui ne veut pas se casser la tête avec une histoire complexe. La mise en scène du réalisateur est traditionnelle ici et sans originalité, ne se contentant que de nous donner un spectacle commercial qui saura plaire à son auditoire. Même que par moments, le long métrage donne l'impression d'un film à petit budget réalisé pour la vidéo, quelque chose qu'on avait déjà vu avec The Enforcer. Au niveau de la distribution, Eastwood et celle-ci sont tout simplement passables et ne font que remplir instinctivement les bases que requièrent leurs différents personnages qui n'ont absolument aucune profondeur. Encore une fois, du côté de la musique, c'est le compositeur américano-argentin Lalo Schifrin qui s'occupe de la musique du film ici, lui qui avait travaillé sur les films The Four Musketeers, Abominable, Caveman, The Fox et Tango. La trame sonore peut se trouver en cassette 4 pistes ainsi qu'en vinyle, mais il faudra attendre au 13 janvier 2009 pour l'avoir sur CD, encore une fois distribué sous l'étiquette Alep Record Incorporated. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Dirty Harry 4. Moi, j'y vais avec une cote 3, un film qui a très bien vieilli avec le temps et s'écoute encore très bien aujourd'hui. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec une cote 14 ans pour un contenu mature, des scènes de violence et bien sûr un langage vulgaire. Du côté de Magnum Force, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Le film est coté par la régie du cinéma de 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote de 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Pour The Enforcer, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans. Même chose pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté de Sudden Impact maintenant, le film est coté 5 du côté de Mediafilm. J'y vais également avec une cote 5. À l'époque, le film était coté 18 ans par la régie du cinéma. Aujourd'hui, la cote a été baissée à 13 ans indicatif. J'y vais quand même également avec une cote de 14 ans, malgré un contenu qui est mature et des scènes de violence et surtout un langage qui est toujours vulgaire. Finalement, pour The Deadpool, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5, bien que ce film-là est probablement le plus réussi de la franchise après Dirty Harry. La régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Maintenant, du côté de l'accessibilité en DVD et en Blu-ray disc, eh bien, tous les films de la série sont disponibles en DVD, en Blu-ray, en français et en anglais. Donc, on parle bien sûr de Dirty Harry, Magnum Force, The Enforcer, Sudden Impact et The Deadpool. Mais il existe également de nombreux coffrets qui sont intéressants sur le marché, notamment The Dirty Harry Collection en Blu-ray et en DVD, dans lequel vous avez tous les films de la série en français et en anglais. Vous avez également le Clint Eastwood Dirty Harry Box Set qui inclut bien sûr tous les films de la série en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Une façon donc pour vous d'avoir dans votre bibliothèque toutes les aventures de l'inspecteur Harry Callahan. Ladies and gentlemen, our next attraction! Coming soon to a theater near you. right, not to study, not to bring back. That's the plan. All right, I'm in. There's still no contact with the colony. The xenomorph may be involved. What exactly are we dealing with here? Just one of those things managed to wipe out my entire crew. Ready to get it on. Go! I think we got something here. Ripley, don't be afraid. Come on. I don't know how you managed to stay alive, but these soldiers are here to protect you. It won't make any difference. What is that? I don't know. Nobody touched nothing. I got signals. I got readings. There's something moving and it ain't us. Get them out of there. Let's go! From her, you bitch! And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.